À l'occasion du 23e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, le rassemblement des jeunes avant-gardistes pour prêter serment a eu lieu le 6 juillet devant les statues en bronze des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il sur la colline Manso. Y ont pris part Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du parti, les permanents de l'Union de la jeunesse et les jeunes étudiants. Les participants ont déposé tout d'abord les corbeilles et bouquets de fleurs devant les statues avant de rendre hommage. Suivant Chun Yong-nam, premier secrétaire du comité central de l'Union de la jeunesse, les participants ont juré d'honorer pour toujours le camarade Kim Il-sung, grand leader, et d'édifier à coup sûr une puissance socialiste sous la direction du dirigeant suprême Kim Jong-un.